بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد donc la dernière fois on avait lu ce que le cheikh il a exposé concernant al-basmala. Rappelle que le cheikh, rahimahullah ta'ala, Muhammad, il a commencé son livre avec al-basmala, comme c'est, on l'a vu, en suivant le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et en suivant la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans ses écrits, et aussi en suivant l'habitude des ulama de commencer leur livre par al-basmala. C'est quelque chose qui est une règle générale. On ne trouve pas un livre sans que l'auteur commence par al-basmala. Ensuite, par rapport à alhamdulillah et à salat wa salam ala rasulillah, on avait vu que certains auteurs, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, il s'est contenté de citer la basmala sans citer la hamdala et salat wa salam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et soit que le shaykh, rahimahullah, il a suivi cette voie-là dans la mesure où son livre, il fait office de lettre vers les ulama et vers les étudiants en sciences, pour qu'ils l'étudient, vers les ulama, pour qu'ils en prennent connaissance et qui s'appuient sur son livre pour faire la da'wah, ou pour enseigner à leurs élèves, ou aux élèves pour qu'ils apprennent le tawhid. Et donc, il l'avait fait, il l'a écrit un peu comme on écrit une lettre, et que c'est pour ça qu'il s'était contenté de la basmala. C'est une hypothèse. Et d'autres hypothèses, et Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, le hafid, son petit-fils, dans Fath al-Majid, il dit que lui, il a mis la main sur une nusra, une édition de la écrite de la main du shaykh lui-même, où il avait cité l'hamdallah et salat wa salam ala rasulillah. Et donc à partir de là, il n'y a plus de débat, quoi. Voilà, kulli hal. On avait dit que la base, c'est que dans les lettres, on cite la basmala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quand il a écrit au roi, il s'est contenté d'écrire la basmala. Par contre, dans les khutab, quand on fait le khutba, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, par exemple, dans du'a ou al-haja, là où il commençait par la basmala, wa alhamdala, wa salat wa salam ala rasulillah. Et aussi les deux shahada. Ensuite, le livre, le shir, il cite, donc, il commence donc dans le premier chapitre en disant Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, yani hadha Kitab al-Tawhid. Les ulama qui ont expliqué le livre, qui ont expliqué Kitab al-Tawhid, ils ont un peu divergé sur, bien que ça n'a pas une importance capitale, mais ils ont un peu divergé sur ce premier chapitre-là. Est-ce que c'est un chapitre comme les autres, ou est-ce que c'est le muqaddima, genre un genre d'introduction? Et aussi, quel est le but dans ce chapitre-là? Est-ce qu'il apparaît quand on regarde les versets et les hadiths que le shir, rahimahullah, il a cités? C'est ce que le shir, et on va le voir dans le chapitre, ce que le shir il a voulu montrer ici, c'est... Donc il y en a qui ont dit, comme Suleyman ibn Abdillah, rahimahullah, dans Taysir, il dit, lui, il voit que le shir, dans ce chapitre-là, il le considère comme un chapitre, et il considère que le shir, il a voulu expliquer le sens du tawhid dans ce chapitre-là. Il y en a, ils disent, et ça c'est discutable dans la mesure où le shir, il a réservé un chapitre, le chapitre 6, sur l'explication du sens du tawhid, donc du sens de la ilaha illallah. Il y a un chapitre consacré à ça, plus loin dans le livre. Et donc, il est peu probable que le shir, il répète deux fois le même chapitre, ou avec le même but, c'est peu probable. Et quand on regarde le contenu du chapitre, on peut en déduire, comme certains l'ont dit, que ce que le Shir a voulu montrer dans ce chapitre-là, c'est que c'est le hukm du tawhid, c'est-à-dire le statut du tawhid, son importance et sa prédominance sur toute autre chose, sur toute autre obligation. Et de montrer que l'interdiction du shirk, elle prédomine aussi sur toute autre interdiction. Donc de montrer que le tawhid, c'est la chose la plus importante, et de montrer le hukm du tawhid, le statut du tawhid. Il y en a, ils ont dit, voilà, c'est ça le but du chapitre. Et quand on regarde les textes que le shirk, que ce soit les versets ou les ayats, les hadiths, pardon, que le shirk a cité dans le chapitre, effectivement, on peut dire que c'est quelque chose qui est vraisemblable. Et ensuite, ce qui dit aussi que ce qui montre aussi que c'est un chapitre, c'est que le Shir, à la fin du chapitre, il a cité des Masaïl. Dans ce livre-là, Allahu alam, moi, dans le livre que j'ai, il ne cite pas les Masaïl à la fin du chapitre. C'est-à-dire qu'à la fin de tous les chapitres, le Shir, Mohammed, quand il a écrit son livre, donc il a écrit Tarjama, on a dit le titre du chapitre, les Nusus, les Ayat, les Hadith, les paroles des Salaf, ou même on verra que des fois il y a des paroles des savants, d'Ibn Taymiyyah, et après il cite des Masaïl, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement supplémentaire de ces textes-là. Et là il cite des Ahkam, il cite des règles, etc. Or, dans ce premier chapitre-là, il a cité des Masaïl, ça montre que c'est un chapitre comme les autres, et donc c'est bien que c'est le chapitre numéro 1 du livre. Et ce qu'il a voulu montrer, wallahu alam, comme on l'a dit, c'est le statut du tawhid, l'importance du tawhid, et la prédominance du tawhid sur toute autre chose dans la législation. Donc, Kitab al-Tawhid, yani hadha Kitab al-Tawhid. Il dit Al-Kitab, donc Al-Muhashi, Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, il dit Kitab, Masdar Kataba, Yaktubu, Kitaban wa Kitabatan wa Kataban, wa Madar al-Maddati ala al-Jam'i, Aminuhu Takattaba Banu Fulan, Iza Jtama'u, Wal-Katibatu li-Jama'ati al-Khayli, والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب ومكتوب جميع ومكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينفيه من الشرك الأكبر أو ينفي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك المقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. Donc كتاب c'est un مصدر. Masdar, on rappelle que c'est un nom qui indique une action, mais qui n'est pas liée à un temps précis, contrairement au verbe. Le verbe, il indique une action, mais il est lié à un temps, soit un temps passé, un temps présent ou un temps futur. Les trois temps qu'on a en arabe. Et le masdar, c'est la source des autres mots, c'est ça qui s'appelle masdar. C'est-à-dire que tous les autres mots, ils sont dé dérivés du masdar. Donc, il dit que c'est kitab, c'est le masdar du verbe kataba yaktubu. Ensuite, il cite plusieurs masdar. C'est-à-dire qu'on tire de là qu'un verbe, il peut avoir plusieurs masdar. Donc, kitaban, wa kitabatan, wa katban. Donc là, il cite trois masdar. Kitaban, et tous ces mots-là, ils tournent autour de la même racine qui indique el-jam', le fait de rassembler. Donc le kef, le ta et le ba, c'est ça quand ici quand il parle, quand il dit el-madda. El-madda, c'est la racine. Donc le kef, le ta et le ba, ça a la notion de rassembler. Donc tous les mots qui vont être tirés de cette base-là, ils ont tous un rapport avec cette notion-là de rassembler. Et dit, et de là, on tire le verbe takattaba. Takattaba banu fulan izajtama'u. C'est-à-dire que certaines personnes se sont rassemblées. Takattaba, le verbe takattaba, c'est comme ijtama'a. Ijtama'a banu fulan ou takattaba banu fulan, ça a le même sens. C'est-à-dire que telle tribu, tel groupe de personnes s'est rassemblé. Ou al-katiba li jama'atil khayl. Al-katiba, on appelle al-katiba un regroupement, un ensemble de cavaliers. On appelle ça al-katiba, les groupes qui combattent. On appelle ça une katiba, c'est un ensemble de cavaliers ou de soldats. Wal-kitab bil-qalami l'ijtima' al-hurufi wal-kalimat. Et on dit al-kitab bil-qalam, c'est-à-dire l'écriture par la plume. Donc, parce que l'écriture, c'est quoi? C'est le fait de rassembler des lettres et des mots. Donc là encore, on a toujours la notion du jam, de rassembler. Il dit, mais ici, ce qui est voulu, c'est al-maktoub. C'est-à-dire qu'ici, on cite le masdar. Donc, qui est un nom, mais on vise al-maf'oul bihi. On vise al-maf'oul. On vise, pardon, al-maf'oul. Ism pas al-maf'oul bihi. On vise ism al-maf'oul. Ism al-maf'oul de kataba, on sait que ism al-fa'il, c'est le katib. Ism al-maf'oul, al-maktoub. Donc, ici, ce qui est voulu par le masdar, c'est ism al-maf'oul. Ça, souvent en arabe, on utilise le masdar, il peut avoir des fois le sens de ism al-fa'il ou il peut avoir le sens de ism al-maf'oul. Donc ici, le masdar, il a le sens de ism al-maf'oul. Donc c'est pas, on vise pas kitab, l'action de réunir quelque chose ou de réunir quelque chose, mais al-maktoub, c'est-à-dire dans le sens al-majmou'a. Al-maktoub, al-majmou'a. Les ulama del bayan, ou de la langue arabe, ils disent que ça rentre dans le majaz. Le fait d'utiliser le masdar, mais de vouloir en réalité le sens de l'maf'oul, de ism al-maf'oul, ça rentre dans le majaz. Donc en gros, il dit Ay, hadha maktoub, jami' li khasa'is al-tawhid, wa huquqihi, wa mukammilatihi. Ou alors on peut dire c'est le sens de l'majmou'. مجموع لخصائص التوحيد وحقوق ومكملاته. Donc c'est un ensemble. الكتاب ici, كتاب التوحيد, c'est un rassemblement des règles concernant le tawhid, de ses particularités, de ses droits et de ce qui va le compléter. Ensuite, il continue en disant aussi ce livre-là, c'est aussi un rassemblement de, ou un exposé de ce qui va contredire la base du tawhid, c'est-à-dire le shirk akbar, ou ce qui va contredire son, sa, comment dire, son sa, ce, je ne sais pas comment on peut dire ça, le kamel en français, sa plénitude ou le fait qu'il soit complet. Et on sait que le kamel, on avait déjà vu ça, puisqu'ici, il parle du tawhid, mais il emploie le tawhid comme l'iman. C'est-à-dire qu'on a asl l'iman et on a Kamal el-Iman. De la même manière, on emploie quand on parle de Tawhid, quand le Tawhid, comme ça, il est mutlaq, il a le même sens que l'Iman ou l'Islam ou d'autres mots. Donc ici, il parle de Asl el-Tawhid ou de Kamal el-Tawhid. Et on sait que le Kamal, ce qui va faire que le Tawhid, il est complet, ça comporte deux choses. El-Kamal el-Wajib ou el-Kamal el-Mustahab. Et donc, le tawhid, ou du moins l'entièreté du tawhid, pour que le tawhid, pour que le tawhid il soit complet, ça peut être contredit par le shirk asghar. Le shirk asghar, il ne va pas annuler le tawhid comme on le sait dans sa base, mais il va le tronquer, il va le diminuer. Donc ce livre, il expose aussi ça, des sortes, en gros, de shirk asghar qui vont diminuer le tawhid et qui vont faire que c'est un tawhid tronqué, donc touché par le shirk asghar. Ou des innovations, les innovations pareilles, qui vont diminuer ce tawhid-là. Ou des péchés, de la même manière qui vont affaiblir le tawhid, comme on le verra dans les chapitres suivants. Et aussi, c'est un livre qui rassemble certains chapitres qui ne concernent pas le shirk en lui-même, mais qui concernent les chemins et des routes qui mènent au shirk. Et ceci, le shirk, il l'a rassemblé, il l'a exposé en citant les preuves du Coran, de la Sunna et des paroles des salafs. Donc ça, c'est le sujet du livre. Et donc, c'est un majmou', c'est-à-dire c'est un ensemble dont le but est d'exposer le tawhid, ce qui contredit sa base, ce qui contredit sa complémentarité ou son entièreté, le fait que ça soit un tawhid complet, ou ce qui va aussi affaiblir le tawhid, c'est-à-dire que ça soit des choses qui font partie de l'innovation, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah Azzawajal de manière à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la même manière à commettre certains péchés. Al-ma'asi ou al-kaba'ir, des grands péchés qui vont affaiblir le tawhid, et comme on le verra, qui vont affaiblir la certitude et qui vont affaiblir aussi la sidq, c'est-à-dire la sincérité de l'adorateur. Si bien que son tawhid, il va s'affaiblir, jusqu'à des fois pouvoir même s'annuler. Donc ça, c'est pour Kitab. Al-Kitab, donc ici, ça a le sens de Al-Maktoub, Al-Majmou'. Ensuite, Kitab al-Tawhid. Il dit, al-Tawhid, il dit, Masdar, Wahada, Wahadahu, Yuwahiduhu, Tawhidan. Ay, Ya'ani, Ja'alahu, Wahidan. Ay, Fardan. Wahadahu, Qal, Innahu, Wahidun, Ahad. أو قال لا إله إلا الله والواحد والأحد وصف اسم الباري تعالى لاختصاصه بالأحدية. Donc il dit ici, le tawhid, c'est aussi un masdar. C'est le masdar du verbe wahada, yuwahidu tawhidan. C'est-à-dire, c'est le fait de faire une chose, de faire qu'une chose, elle soit unique. Le fait de faire ou faire qu'une chose elle soit unique. Et c'est dérivé de al-wahda. C'est dérivé mushtaqun min al-wahda. Al-wahda, c'est le fait d'être unique. L'unicité, le fait d'être unique. Et donc ça, c'est le sens dans la langue arabe. Mais c'est aussi le sens dans la législation ou dans la charia. Ici, il y a un point important à citer, c'est qu'il y a des mots qui viennent dans nos sources, dans les textes, que ce soit du Coran et de la Sunna. On appelle ça al-fadhun shar'iyya, c'est-à-dire c'est des mots qu'Allah Jalla wa Ala, il a cités dans son livre, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans sa Sunna. Et c'est des mots qui ont un sens bien particulier dans la législation. C'est-à-dire que d'une manière globale, tous les mots, ils ont un sens dans la langue arabe. Tous les mots qui viennent dans le Coran et dans la Sunna, ils ont un sens dans la langue arabe. Ce qu'on appelle le ma'ana al-lughawi. Mais il y a certains mots qui ont un sens qui est propre à la législation. C'est pour ça qu'on appelle ça al-fadhun shar'iyya. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il a utilisé ce mot-là avec un sens bien précis qui n'est pas complètement le même que celui qu'il y a dans la langue arabe, même s'il y a toujours un lien entre les deux. Mais le sens dans la langue arabe, en général, il est plus vaste. Et le sens dans la législation, il est plus, comment dire, il est plus plus particulier, il est conditionné par certaines choses. Donc quand on a des mots qu'Allah Jalla wa Ala, il a expliqué d'une manière bien précise, il a éclairci d'une manière bien précise dans son livre, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé avec un sens bien précis dans sa sunna, on appelle ça al-fadhun shar'iyya. Et on n'a pas le droit de comprendre ces mots-là purement en utilisant la langue arabe. On n'a pas le droit de faire prédominer le sens dans la langue arabe de ces mots-là sur leur sens dans la législation, s'il y a un sens particulier dans la législation. S'il n'y a pas de sens particulier dans la législation, on va retourner toujours vers le sens dans la langue arabe. Un mot dans le Coran, s'il n'a pas un sens bien particulier qu'Allah il a montré, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré dans sa sunna, si on veut connaître son sens, on va prendre un dictionnaire de langue arabe et on va aller regarder ce qu'il veut dire dans la langue arabe. Mais on ne peut pas faire ça pour tous les mots. Par exemple, l'islam, c'est le masdar de aslama. Aslama, c'est un verbe qui a un sens dans la langue arabe, mais on sait que ce mot-là, ou ce masdar-là, il a un sens bien particulier dans la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans sa sunna. Par exemple, dans le hadith qu'on connaît tous, hadith d'Ibn Omar, par exemple, Bouniya l'islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah ila akhiril hadith. Etc. Ça, c'est le sens dans la législation, le sens de l'islam dans la législation. La même chose pour l'iman. L'iman, dans la langue arabe, c'est at-tasdiq, ou la majorité des gens de la langue arabe, ils disent que l'iman, c'est at-tasdiq, le fait de rendre véridique quelqu'un. Amantu bikadha wa kadha, le sens de je le rends véridique. Comme les frères de Youssouf, ils ont dit à leur père, Wama anta bi mu'minin lana, lorsqu'ils ont raconté leurs histoires, leurs fausses histoires sur ce qui s'est passé avec Youssouf, etc. Ils ont raconté, ils ont dit, Wama anta bi mu'minin lana, et tu vas pas nous rendre véridique on sait que tu vas pas nous rendre véridique dans ce qu'on te raconte. Donc on voit que c'est tasdir. Mais on sait que l'iman, il a un sens dans la charia qui est bien particulier, qui n'est pas le sens, son sens dans la langue arabe, et qui est plus particulier. On sait que dans l'imam, dans la législation, le tasdik il rentre, mais c'est pas un tasdik global, c'est un tasdik bien particulier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a montré, il l'a expliqué dans la sunna. Par exemple, dans le hadith de Jibril alayhi salam, quand il a été questionné sur l'imam, il a répondu, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, etc. Donc il a montré ce que c'est l'imam dans la législation. Donc c'est un sens plus particulier, plus propre que, ou plus particulier que dans la langue arabe. Donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de groupes qui se sont égarés, comme el Murji'a par exemple, en se basant sur la signification de ces mots-là dans la langue arabe et en s'écartant de leur signification dans la législation. El Murji'a par exemple, ils vont dire que el iman c'est quoi? At-tasdiq. Et tasdir, parce que dans la langue arabe, c'est tasdir. Donc, ils se sont basés là-dessus. El-Iman, c'est tasdir. Donc, le kufr, c'est quoi? Et-Takdhib. Jusqu'à que les gens qui ont exagéré dans ce madhhab-là, ils sont arrivés à dire que quelqu'un qui fait un acte de kufr, s'il ne croit pas que c'est halal, il ne mécroit pas. Puisque l'Iman, c'est tasdir. Et que pour contredire cet Iman-là, il faut qu'il yukadhib. C'est-à-dire, non, non. Qui disent que c'est pas haram, c'est halal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est haram. Ça, c'est le takdhib, c'est le kufr chez eux. Mais le fait qu'ils fassent l'acte de kufr, c'est pas du kufr. Et ça, c'est la croyance de la majorité des gens aujourd'hui. C'est le fait de faire ou de dire un acte de kufr ou de faire un acte de kufr, c'est du kufr uniquement si on croit que c'est halal ou que le halal est le haram. Donc, ils ramènent ça au tasdiq. Et ça, c'est la base de cet égarement-là, il vient du fait, et les ulama disent, il vient du fait qu'ils se sont basés sur le sens de l'imen dans la langue arabe, et qu'ils ont délaissé le sens de l'imen dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des salafs. Ici, c'est pareil pour le tawhid. Le tawhid, c'est un lafz shar'i. Allah subhanahu wa ta'ala, il a, même si on ne trouve pas le mot tawhid, ou même le verbe wahada, on ne le trouve pas dans le Coran, mais on le trouve dans la Sunna. dans le hadith aussi qu'on connaît tous, qui est cité d'ailleurs dans le livre, quelques chapitres plus tard, hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen, à des gens du livre du Yémen, il l'a dit, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitabi, fa'awwalu ma tad'uhum ilay, shahadatu an la ilaha illallah. Et dans une version, il a dit, il a an yuwahidullah. Yuwahidullah, c'est le verbe wahada, c'est at-tawhid. Et aussi dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, c'est un hadith long où Jabir, il a décrit les sifat, les caractéristiques du hajj. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj. Et Jabir ibn Abdillah, il dit, wa ahalla bit tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré en état de sacralisation. Et en citant les kalimat al-tawhid, la shahada. Donc c'est un mot qu'on retrouve dans la sharia, dans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et on sait que le tawhid à la kulli hal, c'est le sens de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a expliqué de manière claire, précise et complète dans le Coran, si bien que personne après Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ne peut venir et ne peut expliquer le tawhid d'une autre manière que de la manière dont il vient dans le Coran et dans la sunna. Ça, on va voir que c'est important parce qu'il y a des gens, et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la ilaha illallah et qui comprennent la ilaha illallah comme eux, ils veulent. Et qui s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué le tawhid dans le Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué le tawhid. Si on reprend le hadith dont on parle, hadith de Mu'adh, c'est le hadith d'Ibn Abbas, en fait c'est rapporté par Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen, et le hadith il a plusieurs riwayats. Et ces différentes riwayats, elles expliquent, ou elles s'expliquent les unes les autres. Dans une riwaya, il dit, il a shahadati an la ilaha illallah. Dans une autre riwaya, il a ibadati Allah. Dans une autre riwaya, il a ani wahidullah. Donc ça montre quoi? Que la shahada, c'est la ilaha illallah, que c'est le tawhid et que c'est l'adoration. Ça, toutes les riwayas les unes les autres, elles s'expliquent. Donc on voit que c'est un mot, التوحيد, qui a un sens dans la législation. Ensuite, ce qui est important aussi à dire, c'est que le tawhid, que ça soit dans la langue arabe, on a vu dans la langue arabe, c'est التوحيد, le fait de faire qu'une chose elle soit unique. Et dans la législation, il y en a qui ont une définition du tawhid plus globale. Et ils disent التوحيد وإفراد الله تعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Donc c'est le fait donc de vouer à Allah sa religion, et le fait donc c'est assez difficile à expliquer l'ifrad ou التوحيد. Parce que si on traduit par unifier Allah, ça ne veut rien dire. Par contre, on peut dire unifier son adoration, son culte, vouer son culte exclusivement à Allah, en donnant toutes nos adorations à Allah seul. Et donc ça, c'est pour les actes. Tawhid al-uluhiyya. Et pour tawhid al-rububiyya, c'est le fait de croire, d'avoir une croyance exclusive en Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que lui seul possède les actes de la Rububiyya, possède les noms et les attributs de la perfection, et lui seul mérite l'adoration. Comme ça qu'on explique l'Ifrad en français. Donc à la kulli hal, ce qui est important de retenir, c'est que التوحيد, comme l'Iman, comme l'Islam, comme l'Shirk, comme l'Kufr, comme l'Fisq, comme l'Bid'a, comme tous ces mots-là, c'est des mots qui ont un sens dans la langue arabe, mais qui ont un sens dans la législation. Et la règle, c'est que le sens dans la législation, il prédomine toujours sur le sens dans la langue arabe. On dit al-ma'ana shar'i muqaddam ala al-ma'ana al-lughawi. C'est toujours comme ça. Même si, encore une fois, il y a toujours un lien entre les deux, le sens dans la législation, il est toujours plus particulier, plus précis, et il est conditionné par rapport au sens dans la langue arabe. Ensuite, ici, il dit wa aqsamu at-tawhid thalatha. Wa aqsamu at-tawhid thalatha. Il dit donc que le tawhid, il se divise en trois sortes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît, ou le délil sur ce taqsim, sur le fait de faire comme ça du tawhid trois sortes. On connaît ça, ce qu'on a, ou le délil, par le délil, ce qu'on appelle délil et tatabbu' wal istiqra. C'est-à-dire que les ulama, en suivant tous les textes du Coran et de la Sunna, en suivant tous les textes, on trouve que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit il parle de ses actes à lui, soit il parle de ses noms et de ses attributs, soit il parle des actes des serviteurs qui lui sont voués. Ces trois catégories que, quand on suit les délils du Coran et de la Sunna, on trouve ces trois catégories-là. Et c'est de là que les ulama, ils ont sorti ces trois catégories-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un taqsim shar'i. C'est-à-dire que c'est Allah Azzawajal lui-même qui a cité ces trois catégories-là dans le Coran. Et que c'est pas les ulama qui sont venus après et qui ont fait ce qu'on appelle taqsim istilahi. Comme dans le hadith, par exemple, hadith sahih, da'if, hasan, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la législation. C'est des choses qui sont. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans la législation, mais c'est des choses que les ulama, des noms que les ulama, ils ont mis en place pour ce qu'on appelle l'istilah, c'est-à-dire le fait de se mettre d'accord sur l'appellation d'une sorte de hadith ou quelque chose, pour savoir que lorsqu'on cite ce nom, on sait de quoi on parle. Les ulama du hadith, quand ils citent le hadith sahih, ils savent, tout le monde sait, voilà, c'est le hadith qui a telle ou telle condition. Mais donc, il y en a qui ont dit que le fait de diviser le tawhid en trois sortes, c'est un taqsim istilahi. C'est-à-dire que les ulama, ils sont venus, ils ont dit, bon, voilà, le tawhid, il est de trois sortes. Mais il y en a d'autres qui disent que le taqsim, il est shar'i. C'est-à-dire que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, dans le Coran, qui a divisé son tawhid en trois parties. Et c'est pour ça qu'après parler, par exemple, de tawhid al-hukmi ou tawhid fir-risala, tawhid al-mutaba'a, tawhid al-hukmi, par exemple, pour ce qu'ils appellent al-hakimiyya, le fait de dire qu'Allah Jalla wa'ala, il est unique dans le hukm, c'est quelque chose qui est juste. Mais il y en a ceux qui ont dit que c'est un taqsim qui est shar'i, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a divisé son tawhid en trois parties, ils disent que le tawhid al-hukmi, il rentre dans al-rububiyya. Donc, rajouter une quatrième catégorie en disant al-hakimiyya, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça rentre déjà dans rububiyya. C'est un acte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-hukm. De la même manière, al-tahakum, c'est un acte du serviteur. Donc, ça rentre dans tawhid al-uluhiyya. Donc, il dit al-awwal. Donc le premier, la première, première, catég première division du tawhid, ou première partie du tawhid rububiyya. Donc c'est le tawhid dans la seigneurie. Il dit wa huwa al-ilm wal-iqrar bi anna Allah rabb kulli shay wa khaliquhu wa malikuhu wal-mudabbiru li umuri khalqihi jami'ihim. Donc ça commence, il dit wa huwa al-ilm, c'est-à-dire c'est la connaissance, wal-iqrar, c'est-à-dire aussi le fait de dire, de reconnaître, l'i'tiraf, le fait de croire et de reconnaître. Quand on parle de l'iqrar, ça rentre aussi dedans la parole de la langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, qu'il est le Créateur de toutes choses et qu'il possède toutes choses. et qu'il administre tout dans sa création, qu'il administre les affaires de ses créatures. Ça, c'est le tawhid al-rububiyya, donc c'est les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le tawhid al-asma'i wa sifat. Donc, wa huwa an yusaf Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifat al-kamal wa nu'ut al-jalal min ghayri takyifin wa la tamthilin amin ghayr tahrifin wa la ta'tilin. Deuxièmement, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et il dit, c'est le fait de décrire Allah Jalla wa Ala par ce quoi il s'est décrit dans son livre. Et par ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans sa sunna. Donc de le décrire par cela, c'est-à-dire de le décrire par les attributs de la perfection. Ici, il dit min sifat al-kamali wa nu'ut al-jalal. Allahu a'lam, il n'y a pas de, dans la langue, il n'y a pas de différence entre sifat et na'at. Il n'y a pas de différence entre sifat et na'at. Allahu a'lam. Ici, il leur dit min ghayr takyifin wa la tamthil. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le wasitiya. C'est les règles qui gèrent la croyance du serviteur, évidemment qui sont tirées des textes, pas des règles inventées, et qui gèrent la croyance du serviteur dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle son tekif, et tekif, c'est le fait de citer comment est la sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et temthil, dire que quelque chose parmi la créature d'Allah ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tahrif, soit changer love the sifat, c'est-à-dire soit changer carrément le mot de la sifat, soit son sens. Et ta'atil, c'est le fait de carrément renier la sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, tawhid al-ilahiyya, donc le tawhid dans l'adoration. Et c'est le dit wa huwa ikhlasu li'ibadati lillahi wahdahu la sharika la wa yata'allaqu bi'a'mali al-'abdi wa aqwalihi adh-dhahira wal-batina khilaf ma za'amahu al-mutakallima wa sufia. Et donc le tawhid dans l'adoration, c'est le fait de vouer, ou que le serviteur, donc c'est quelque chose qui est en rapport avec les actes du serviteur. La rububiyya, ça concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asma wa sifat, on sait que sifat, elle se divise en deux sortes. Sifatun dhatiya, donc qui sont en rapport avec le dhat d'Allah. C'est-à-dire, c'est des sifat qui sont permanentes dans le sens où Allah jalla wa ala est tout le temps décrit par ces sifat-là, et c'est des sifat qui ne sont jamais entre guillemets, on ne peut pas dire séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on explique ce que c'est sifat al-fi'aliyya, qui est la deuxième catégorie, on avait sifat al-fi'aliyya, des sifat d'actes, c'est des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait quand il veut. C'est-à-dire que quand Allah jalla wa ala il décide, il veut faire quelque chose, il fait ces actes-là. Mais ce n'est pas des actes qu'il fait tout le temps. Donc on ne peut pas tout le temps décrire Allah azza wa jal, à tout moment, à tout instant, décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ces actes-là. Ça, on l'avait vu dans le wasitiya. Par exemple, le nuzul, Allah Jalla wa'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'Allah Jalla wa'ala, il descend le dernier tiers de la nuit. Donc, on peut décrire Allah Jalla wa'ala par un nuzul que le dernier tiers de la nuit. On ne peut pas dire qu'Allah Jalla wa'ala, on ne peut pas décrire Allah par un nuzul le premier tiers de la nuit. Donc, c'est des choses qu'il fait quand il veut, à l'instant où il veut. Donc, il y a des moments où il n'est pas décrit par cette sifat-là. Nuzul, il est décrit au dernier tiers, pas au premier. Par contre, sifat al-dhatiya, c'est des choses où Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il a comme sifat al-ilm. Il n'y a jamais un instant où Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas l'ilm. C'est lié à son zat, c'est l'azim. Ça ne sépare jamais. Et donc, si on parle de tawhid al-asma wa sifat, sifat al-dhatiya, ça concerne donc le zat d'Allah jalla wa ala, et sifat al-fi'liya, ça concerne des actes. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par contre, tawhid dans l'ibada, ça concerne les actes du serviteur. C'est attaché aux actes du serviteur. Donc, c'est fait, le fait que le serviteur voue le culte, l'adoration, que ce soit par le cœur, la parole et les membres, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est donc le tawhid dans l'adoration. Et là, il continue en disant: Khilaf ma za'amahu al-mutakallimatu wa soufiyatu wa ghayruhum min anna al-murada bit-tawhid وأقر أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو الموحد. Donc là, il dit, contrairement à ceux qui prétendent que le tawhid, c'est exclusivement le tawhid dans la rububiyya. Donc ça, il y a une partie parmi ce qu'il a appelé al-mutakallimin. Al-Mutakallimin fait partie d'entre eux, Al-Asha'ira, c'est-à-dire Al-Asha'ira, Al-Mutakhirin, qui sont venus plus tard, et une partie de Soufis, ce qu'on appelle les Soufis aujourd'hui, on peut mettre l'ensemble quasiment des Soufis dedans, c'est des gens, la majorité, c'est des adorateurs de tombes, eux, ils disent que le Tawhid, c'est uniquement le Tawhid dans la Rububiya. C'est-à-dire celui qui dit, qui croit et qui affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa seigneurie, dans ses actes, dans ses noms et dans ses attributs, alors celui-là, il a réalisé le tawhid complet. Et que même s'il donne certaines adorations à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est muwahhid. C'est pour ça que la majorité de ces gens-là, c'est des gens qui pensent être mouahidin alors que c'est des adorateurs de tombes. Et quand tu leur dis ce que tu fais, c'est du shirk dans l'adoration, ils te disent non, c'est pas du shirk. Le shirk, c'est si tu crois que le mort, il va lui-même t'apporter le khayr. Lui-même créer, ou lui-même te soigner, ou lui-même te secourir, etc. Si je crois que c'est Allah Jalla wa Ala qui fait ça, le fait de l'invoquer, de sacrifier pour lui ou autre chose parmi les adorations, c'est ça, c'est pas du shirk. Le shirk, c'est de croire que c'est lui-même qui va me donner ce que je demande, alors que moi je le prends simplement comme intermédiaire. Donc ça, c'est exactement le shirk de Quraysh. C'est le shirk pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lequel tous les messagers ont été envoyés à leur peuple, comme le montre le Coran. Et là, il continue en citant ou en résumant une parole qui est une parole d'Ibn Taymiyyah qu'on retrouve, il la cite entièrement dans Fath al-Majid. On la trouve. Là, il cite qu'une partie. Il dit « Bel, la yakunu muwahhidan »« Naam. Bel, la yakunu muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illa Allah wahda » ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم حتى يشهد ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. Et donc là, bel, donc là c'est pour annuler la parole ou montrer que leur parole est bâtile. Il dit, mais le serviteur ne devient ou n'est mouahid, n'est musulman, n'est adorateur exclusif qu'en attestant de la ilaha illallah. Le shahada, on rappelle que c'est sa part d'une croyance, c'est une croyance mais qu'on exprime par la langue. Donc, le shahada, il faut absolument que ça soit quelque chose qui soit exprimé, c'est une science, ça commence par la science. Mais il faut que ça soit exprimé par la langue. On sait que celui que même s'il croit le sens de la ilaha illallah fermement par son cœur, et qu'il a les moyens de l'exprimer, mais qu'il ne l'exprime pas, il est kafir. À l'unanimité des savants. Donc, hatta yashhada, jusqu'à qu'il atteste de la ilaha illallah. et qu'il affirme, qu'il reconnaisse que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Donc c'est lui, el-ilahu al-haq, que lui seul mérite l'adoration. Et là, le shiri rajoute, ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. C'est-à-dire, ça ne suffit pas simplement de dire. Encore une fois, le tawhid ou l'iman, c'est des croyances, des paroles et des actes. Donc, le fait de croire ou de connaître le haqq, c'est une chose. Le fait de l'affirmer par la langue, de dire la ilaha illallah, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. C'est pas la foi, c'est pas une parole. C'est aussi des actes. Donc, il faut qu'il se conforme à ce que cette attestation elle implique ou elle signifie. C'est-à-dire l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le désaveu du shirk, le fait de s'écarter du shirk. Donc ça, c'est le sens de cette shahada. Et la personne ne devient mouahid qu'avec ceci. Donc, el-ilm, le fait de la connaissance, al-iqrar wa shahada, le fait de le déclarer clairement par la langue, et al-amal, le fait de pratiquer ce que signifie cette shahada par les actes, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul et en s'écartant du shirk. Ça montre quoi? Ça montre la réalité du tawhid. C'est quoi vraiment le tawhid et comment une personne elle devient mouahid. Et que si une de ces choses-là manque, la personne elle n'est pas musulmane. Et donc ça, c'est une réponse claire à tous ceux qui excusent les mouchrikines dans leur ignorance. En disant que quelqu'un qui commet le shirk, qui fait le shirk, reste sur l'islam et jugé, ou on juge de son islam parce que ce qui l'a poussé à faire le shirk, c'est son ignorance du shirk, ou son ignorance de ce que c'est la ilaha illallah. Or, on voit dans la parole du shirk, et dans tous les dalils qui vont venir, que le tawhid, il a une réalité. Encore une fois, comme on l'a dit avant, le tawhid, c'est, il a une haqiqa shar'iyya, c'est-à-dire qu'il a un sens dans la législation. Et ce sens-là, soit le serviteur, il l'accomplit d'une manière complète, c'est-à-dire comme on l'a vu, une science qui est déclarée par la langue, qui est pratiquée par les actes, soit il n'y a pas de tawhid. Soit il n'y a pas de tawhid, c'est plus une question d'excuser ou de pas d'excuser ou je ne sais quoi, c'est une question qu'il n'y a pas la chose, elle n'est pas là. Il y a la base de la chose, c'est comme on peut pas parler d'une construction d'une maison s'il n'y a plus sa base. On enlève tout, il y a tout, il n'y a plus rien. Donc on peut plus parler de l'existence d'une fondation dont la base elle est annulée, elle est complètement absente. Donc quelqu'un qui ne réalise pas le tawhid, comme il l'a expliqué ici, c'est quelqu'un qui n'est pas sur l'islam. S'il n'est pas allé sur l'islam, il est sur le shirk, il est mushrik. Ensuite, excusé, pas excusé, est-ce qu'il est châtié, pas châtié, etc., c'est un autre sujet. Mais le fait qu'il soit mouahid musulman, non. Pour être musulman, c'est lié à une connaissance, la connaissance du sens de la ilaha illallah, à la déclaration à la shahada et au fait de pratiquer ce que cette shahada, elle signifie, elle implique comme acte. Et ici, il a pas cité le shir, mais aussi ce qu'on appelle el-lawazin, les choses que ça implique de manière nécessaire, comme le fait de se désavouer des mouchrikines en les détestant et en les prenant en inimitié et en disant qu'ils sont pas sur l'islam. Ça, c'est des implications de la ilaha illallah. Même si wallahu alam, le sens le plus la parole la plus juste, c'est de dire que c'est pas quelque chose qui rentre dans la ilaha illallah bil mutabaqa. On a vu que les noms ou les na'am, on peut dire les noms, ils ont un sens où selon comment on les considère, ils peuvent avoir des sens différents, ce qu'on appelle les dalalat, les significations. On a vu qu'il y a ce qu'on appelle al-mutabaqa. Al-mutabaqa, c'est-à-dire le sens complet de ce que désigne un nom. Donc, la ilaha illallah, les ulama disent, la ilaha illallah tadullu bil-mutabaqa ala ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibada. C'est-à-dire, la ilaha illallah bil-mutabaqa. C'est-à-dire le sens complet de cette shahada. C'est le fait de nous vouer l'adoration ou le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter du shirk. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah bil mutabaqa. La ilaha al-ilah, c'est le ma'boud. La ma'boud bihaq illallah. Donc seul Allah, il mérite l'adoration. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en désavoue, ça ne mérite pas l'adoration. Ça, c'est bil mutabaqa. Ça indique, les ulama ils disent, comme on le verra plus tard dans le livre, ça indique aussi sur Tawhid al-Rububiyya, mais la bil mutabaqa, ils disent bitadammun. C'est-à-dire que la ilaha illallah, ça nous indique qu'Allah Jalla wa Ala est unique dans sa Rububiyya, mais pas bil mutabaqa. Ce n'est pas le sens de cette shahada bil mutabaqa, mais bitadammun. Ça englobe ceci. Le fait de dire que seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration, ça implique que lui seul est le créateur et que lui seul est décrit par les noms et les attributs de la perfection qui font que par cela il mérite l'adoration lui seul, sans aucun associé. Et ils disent aussi que cette shahada, la ilaha illallah, elle implique certaines choses, c'est-à-dire tadullu ala ashya bil iltizam. Ça indique sur d'autres choses, mais par iltizam, c'est-à-dire ça a des implications. Et ça, on le trouve dans le Coran et dans la Sunna. Comme le fait de ne pas prendre comme alliés les kuffars en les aimant et en les secourant, en les aidant contre les muslimines. Ça, c'est des choses, même si ça ne rentre pas dans la ilaha illallah bil mutabaqa, c'est comme ils disent, de la wazim daruriya. Daruriya bima'na, c'est-à-dire que ce lazim-là, cette implication-là, si elle n'est pas réalisée, si on ne la trouve pas, ce qu'on appelle el melzoum, ce qui implique cette implication-là, c'est nul aussi. En d'autres termes, le fait de détester le mouchrik, de croire qu'il est mouchrik, qu'il n'est pas musulman, de ne pas l'aimer, celui qui ne réalise pas ça, la ilaha illallah, il tombe. Il n'y a plus de shahada. Khlas, elle est annulée. Parce que c'est un lazim. Et la règle dans la wazim, les ulama disent, « Idhan tafal lazim, intafal malzoum. »« Idhan tafal lazim, intafal malzoum. » Si l'implication, elle est annulée, elle n'est plus là, elle n'est plus réalisée, alors elle melzoum, ce qui a impliqué cette implication, ça tombe aussi. Non. Non. Ensuite, si on revient à la parole de ces gens-là qui disent que la ilaha illallah, c'est tawhid dans Rububiyya, c'est exclusivement le tawhid dans la Rububiyya. Celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans la création, que c'est lui qui possède tout, que celui qui crée, qui fait mourir, qui fait vivre, etc., khlas, il est mouahid, même s'il fait du shirk dans l'adoration. Parce que c'est des gens qui disent que la ilaha illallah, ça signifie la khaliq illallah. Donc pour eux, le sens de la ilaha illallah bil mutabaqa, c'est la khaliq illallah. Pour eux, l'ilah, c'est pas le ma'boud, c'est pas celui qui est adoré, c'est le khaliq, c'est celui qui crée. Eux, ils ont compris la ilaha illallah comme ça. Or, ça, c'est rejeté par des centaines de dalils du Coran et de la Sunna, ou des dizaines au moins. Et comme on a dit avant, le tawhid, qui est le sens de la ilaha illallah, c'est quelque chose qui est shar'i. Haqiqatun shar'iya. On n'a pas le droit de venir et d'expliquer comme ça l'ilah comme on veut, et de délaisser tous les textes du Coran et de la Sunna qui expliquent ce que c'est la ilaha illallah, qui expliquent ce que c'est le ma'boud al-ilah. Ensuite, il dit le Sheikh, وأقسام التوحيد ثلاثة وأقسام التوحيد ثلاثة متلازمة كل نوع منها لينفك عن الآخر فمتى أتى بالنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. Ici, il dit que donc là, il a cité trois sortes de tawhid, les trois sortes, Rububiya, Asma wa Sifat, wal Uluhiya. Mais les trois, ils sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire que l'un implique les autres, ou les uns impliquent l'autre, ou il y a une implication entre les trois, si bien que on peut pas dire que quelqu'un, il les réalise d'une manière complète, tawhid al-rububiyya, mais qu'il n'a pas de tawhid al-uluhiyya. Ou qu'il réalise tawhid al-uluhiyya, mais qu'il n'a pas réalisé tawhid al-rububiyya ou l'asma wa sifat. Ce n'est pas possible. S'il y a un manquement ou une annulation d'un des trois, c'est que les autres, ils sont invalides aussi. Donc quelqu'un, il peut venir, il peut dire, ouais, mais le Quraysh, les mouchrikines d'antan, ils ont réalisé al-rububiyya, mais ils ont fait du shirk dans l'uluhiyya. Donc, le sens des ulama qui disent ça, c'est qu'ils ont réalisé globalement al-rububiyya. Et qu'ils ont commis le shirk dans al-uluhiyya. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas al-rububiyya d'une manière complète, parfaite. Parce que, encore une fois, les ulama ils disent, al-tawhid al-rububiyya yastalzim al-tawhid fil uluhiyya. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un tawhid complet, parfait dans al-rububiyya, ça implique. Au moins, ça va impliquer au moins la base du tawhid dans l'ouloulouhiyya. Si à la base, c'est quelqu'un qui fait du shirk dans l'ouloulouhiyya, c'est quelqu'un qui a un problème dans le tawhid dans l'ouloulouhiyya. Il y a une implication talazum entre les trois. Donc, en tous les cas, tout ça pour dire que quelqu'un, il ne peut pas venir, il dit, ouais, moi, je suis mouahid dans l'ouloulouhiyya, mais pas dans l'ouloulouhiyya. C'est badel. T'es mouchrik bilkulliya. Bilkul. Ensuite, il dit, والقسم الثالث هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين لأن هذا النوع هو أول دعوة الرسل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولعموم البلوى في زمانه بعبادة القبور والأشجار وغيرها ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك. Et il dit que ici, le but du cheikh Mohammed rahimahullah, c'est d'exposer, surtout dans son livre, la troisième sorte de tawhid qui est tawhid dans l'uluhiyya. Il dit même s'il y a des chapitres qui sont concernés et qui sont consacrés pardon, aux deux autres sortes, mais à moindre mesure. C'est-à-dire la grande majorité du livre, elle est consacrée au tawhid dans l'ibada. Il dit ceci parce que le tawhid dans l'adoration, c'est ce avec quoi, ou c'est ce pourquoi plutôt Allah Jalla wa Ala, il a envoyé les messagers. C'est-à-dire ici, il faut faire la différence entre pourquoi Allah il a envoyé les messagers, il les a envoyés pour rappeler les gens à la ilaha illallah, à l'adoration d'Allah seul. Est-ce que ça veut dire que les messagers, ils n'ont pas appelé à Rububiya et au Tawhid al-Asma wa Sifat? Non. Ils ont appelé aussi aux deux autres sortes de tawhid, mais la raison première pour laquelle Allah il les a envoyés, c'est pour tawhid dans l'ibada, lorsqu'ils ont commis le shirk dans l'ibada. Donc ça, c'est, il dit, la première raison pour laquelle le shirk, il a consacré de manière, en grande partie son livre, à l'ibada, tawhid dans l'ibada. Donc il cite le verset, donc comme c'est la da'wa, la première da'wa de tous les messagers, adressé à leur peuple, c'est adorer Allah, nulle autre divinité en dehors de lui. Il n'y a pas pour vous d'autre divinité en dehors de lui. C'est le sens de la ilaha illallah, c'est ce à quoi ont appelé tous les messagers. Il dit aussi, et pour, comment dire, et pour aussi, au sujet du fait que, à son époque à lui, le shirk dans l'adoration s'est répandu d'une manière presque générale. Si bien que l'adoration des tombes et l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu la religion des gens. Et c'est pour ça que le besoin de décrire quelque chose pour montrer aux gens le sens du tawhid réel, du sens du tawhid dans l'adoration, c'était quelque chose qui était prioritaire sur d'autres choses, dans laquelle les gens ils faisaient pas de shirk ou moins de shirk du moins. Et c'est pour ça que le cheikh, Il a consacré son livre de manière pas exclusive, mais en grande partie au tawhid dans l'adoration. Il dit wa in shi'ta قلت كما قال ابن القيم وغيره التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو التوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد الإلهية والعبادة. نعم. Les ulama, donc on a vu, soit ils divisent le tawhid en trois parties, soit en deux parties. Soit ils disent tawhid al-rububiyya, asma wa sifat et uluhiyya ou ibada. Soit ils disent tawhid fil ma'rifati wal ithbat et tawhid fil talabi wal qasdi. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux, entre ces deux classifications. Simplement, c'est la considération qui change. C'est de quel côté on se place. Si on se place, si on regarde par rapport au serviteur, le tawhid du serviteur, il va se diviser en deux parties. C'est-à-dire, comme Ibn al-Qayyim le dit ici, al-ma'rifa wal-ithbat. Al-ma'rifa, c'est quoi? C'est le fait de connaître Allah Jalla wa'ala, par ses noms et par ses attributs et par ses actes. Wal-ithbat, le fait d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé concernant lui-même dans son livre et le prophète sallam dans sa sunna. Et le tawhid fi talabi wal qasd, ça concerne les actes du serviteur. C'est le fait que le serviteur, que ça son intention, sa niya, son adoration soit exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on regarde d'un point de vue du serviteur, ça se divise en deux. Soit c'est des informations, el-khabar. C'est pour ça qu'ils appellent ça aussi el-tawhid el-khabari. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, il donne des informations concernant lui-même, ses noms, ses attributs, ses actes, etc. Et ça, le serviteur, soit il le prend en rendant ça véridique, soit en le démentant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il y a à une connaissance et à une affirmation. Il connaît cette chose-là et il l'affirme. Et le deuxième sort de tawhid, c'est le fait que le serviteur, ça concerne ses actes à lui. C'est-à-dire le fait que son intention et sa niya soient exclusives, pures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on se place d'un point de vue concernant le créateur subhanahu wa ta'ala, lui, comme on a vu, son tawhid, comme les ulama ils l'ont tiré de ce qu'on appelle الدليل التتبع والاستقراء en suivant le Coran, qu'Allah Jalla, soit il parle de ses actes, الربوبية, soit il parle de ses noms et ses attributs, soit il parle des actes que lui seul mérite. Donc là, si on regarde de ce point de vue-là, ça se divise en trois. À la kulli hal, c'est pas fondamental, mais les ulama, soit ils divisent en trois, soit ils divisent en deux le tawhid, en sachant que quand ils divisent en deux, ce qu'ils appellent le tawhid al-ma'rifati wal-qasd, al-ma'rifati wal-ithbat, ou le tawhid al-ilmi al-khabari, ça englobe la rububiyya et l'asma wa-sifat. C'est tout ce qui concerne Allah, c'est-à-dire ses actes et ses noms et ses attributs. Shiri continue en disant wa bihadha al-tawhidi wa li ajlihi ursilat al-rusul wa unzilat al-kutub bal kullu surah في القرآن فهي متضمنة للنوعي التوحيد بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به وداعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهي التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه مكمينسي من دونه وهو الإرادة الطلبي وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم وركن التوحيد الصدق والإخلاص كما قال ابن القيم. Donc ici, il continue en disant que donc Tawhid Talab ou Al Qasd, il dit c'est pour ceci que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés. Il dit et toute sourate du Coran contient ces deux sortes de Tawhid, c'est-à-dire Tawhid Al-Ma'rifat wa Al-Ithbat. Donc ça c'est une parole d'Ibn Al-Qayyim qui l'a résumé. Donc toute sourate du Coran comprend ou englobe ces deux sortes de tawhid, c'est-à-dire soit tawhid fil ma'rifati wal ithbat ou ar-rububiyya wa al-asma'i wa sifat, soit le tawhid dans l'unicité, l'adoration, talab ou al-qasd. Donc toutes les sourates contiennent ces deux sortes de tawhid. Il dit même tout verset comporte toujours quelque chose du tawhid, ou témoigne du tawhid, ou appelle au tawhid. Il dit, et tout le Coran, dit le Coran dans sa globalité, soit parle ou nous donne des informations concernant Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, ou ses noms, ses attributs, ses actes, ses paroles. Et ceci, c'est là, il donne un autre nom, il dit, wa huwa tawhid al-ilmi al-khabari. Il dit ça, c'est le tawhid dans la science et dans l'information. Pourquoi dans l'information? Parce que c'est des choses dont Allah nous informe à propos de lui-même, ses noms, ses attributs, etc. Donc c'est quelque chose qu'on doit accepter avec quoi? At-tasdiq. Et le kafir, lui, il va rejeter ça par at-takdhib. Et il appelle aussi ça ilmi, parce que c'est une science, c'est quelque chose qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on connaît Allah, et c'est quelque chose après qu'on va affirmer. C'est pour ça qu'il a appelé ça au début Tawhid al-Ma'rifati wal-Qasd. Wal-Ma'rifa wal-Ilm, c'est la même chose. Chez les ulama, il n'y a pas de différence. Le Jumhur et les ulama dans la langue arabe, Al-Ma'rifa wal-Ilm, c'est la même chose. Ensuite, il dit, ou alors, le Coran, il va nous appeler. Il va appeler les gens à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul et à rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ça, c'est ce qu'il a appelé al-tawhid al-iradi al-talabi. Al-iradi, c'est lié à l'irada, c'est-à-dire la volonté ou la niya, l'intention de l'adorateur, elle est vouée à qui? À Allah, à un autre ou à plusieurs divinités. Donc ça rentre, c'est le tawhid dans l'adoration. C'est à qui sait que l'adorateur y vise dans ses actes. Il dit, ou alors, le Coran, il nous parle de, ou il nous donne des ordres et des interdits. Et ça, il dit, c'est les droits du tawhid et ce qui va compléter le tawhid. Ou c'est des informations concernant les gens du tawhid, leur rétribution, ou concernant les gens du shirk et leur punition. Il dit, tout le Coran nous parle du tawhid, de ses droits, de la rétribution pour les gens du tawhid ou pour la rétribution des gens du shirk, donc qui vont contredire le tawhid. Donc tout le Coran, il nous parle et tourne autour de ça, du tawhid. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que, ou les ulama, ils disent que tous les livres, ce que contient tous les livres, c'est contenu dans le Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le Coran, il est muhaymin. Muhaymin. Il est, c'est-à-dire qu'il englobe ce que les autres livres comportent. Et tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est réuni dans un verset du Coran, dans Sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim, il a consacré son livre Madarij al-Salikin sur ce verset-là. Ça englobe l'essence du Coran. Et ça rejoint ce qu'il dit ici, c'est que tout le Coran, il tourne autour du tawhid. Soit il nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, sa description, ses noms, ses attributs, ses actes, soit ça nous parle de... soit le Coran, il nous appelle à l'adorer lui seul, et il nous appelle à lui obéir, à s'écarter de ses interdits. Ça, il a appelé ça les droits du tawhid, etc. Il nous montre, ou il nous informe concernant la récompense pour les gens du tawhid, pour que ça provoque chez les gens quoi, l'espoir Et que ça provoque chez les gens aussi un sidq et l'azima, c'est-à-dire les gens, ils ont une volonté ferme dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour acquérir cette récompense. Donc tout le Coran, il tourne autour de ça. Et il dit, on va terminer avec ça, wa rukna at-tawhid as-sidq wal-ikhlas. Qala Ibn al-Qayyim, wa sidq wal-ikhlas rukna dhalik at-tawhid ka ruknayn lil-bunyan. Wa haqiqatu al-ikhlas tawhid al-murad fa la yuzahimuhu murad thani. Et il dit que les deux piliers du tawhid sont as-sidq wal-ikhlas, la véracité et l'exclusivité. Donc il cite des vers du poème d'Ibn al-Qayyim al-Nuniya, dont le sens à peu près c'est et donc la sincérité et l'exclusivité sont les deux piliers de ce tawhid comme les deux piliers d'une fondation. Il dit et la réalité de la sincérité de l'ikhlas, il dit c'est l'unicité dans celui qui est visé, c'est-à-dire il vise Allah subhanahu wa ta'ala ici. Le murad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qu'on cherche. Donc c'est le fait d'avoir comme niya, d'avoir comme irada, comme intention, comme volonté, que celui vers qui on va diriger notre volonté, notre intention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, aucun autre. Il dit « فَلَا يُزَحِمُهُمْ مُرَادٌ ثَانِي » Il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah qui va venir troubler cette intention-là et cette intention ou comment il a dit cette intention-là ou cette volonté-là. Il n'y a aucune autre divinité qui va venir prendre une petite part de cette intention et de cette volonté-là qu'a l'adorateur de vouer ses actes à son créateur, lui seul, sans lui donner aucun associé. Et la sincérité, ce qui parle est sidq, c'est la sincérité, c'est ce qui va permettre à l'adorateur de s'écarter des péchés et de commettre et de, pardon, de pratiquer les obligations. Parce que quelqu'un qui est déterminé, qui est sincère dans son tawhid, c'est quelqu'un qui va pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire et qui va s'écarter des interdits et qui va s'écarter du nifaq. On sait que le sidq, la véracité, c'est contredit par un nifaq. C'est ça qui dit que ça fait partie aussi, que c'est un pilier du tawhid. Même si on a plus l'habitude de voir que aussi rentre là-dedans al-mutaba'a, dans le pilier de l'adoration, al-mutaba'a, le fait que l'adoration, une fois qu'elle est vouée, que l'intention est pour Allah seul, qu'elle soit aussi conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. La prochaine fois, on commencera à lire le hashia du shir Ibn Qasim rahimahullah sur le premier verset que le shir Muhammad il a cité, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.